l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Plus que de la ligne de chant, certains compositeurs d'opéra sont tellement préoccupés par la justesse dramatique de leur partition qu'ils cherchent à resserrer le lien entre la poésie et la musique jusqu'à faire passer la mélodie pour une déclamation. Gluck écrivait en préface de l'un de ses opéras « J'ai cru que le chant n'était dans un opéra qu'une substitution à la déclamation ». Gluck était même au bord de se considérer au service de la poésie plus que de la composition quand il reconnaissait au XVIIIe siècle « Ma musique ne tend qu'à la plus grande expression et au renforcement de la poésie ». À la fin du siècle suivant, ces phrases sont relevées par un autre compositeur, Paul Dukas, qui en plus du poème symphonique bien connu « L'apprenti sorcier » et d'une œuvre lyrique « Ariane et Barbe bleue » a écrit de nombreux articles critiques extrêmement fouillés, précis, passionnants, dans lesquels il semble plaider pour une déséparation de la poésie et de la musique. Pour parler de cette déséparation, nous accueillons Pauline Ritten, qui est docteur en musicologie, et publie « Les écrits critiques de Dukas » aux éditions Aedam Musicae. Le pianiste Hervé Billot dans des variations, interludes et finales sur un thème de Rameau. Rameau qui présentait un grand intérêt pour le compositeur de cette partition, Paul Ducas. Bonjour Pauline Ritten. Bonjour. Qui est Rameau pour Ducas ? Pour Ducas, Rameau, c'est l'un des plus anciens compositeurs français dans lequel il retrouve déjà une forme d'énergie dramatique, un sentiment profond d'expressivité avec lequel il peut faire le lien jusqu'à son époque. Il le voit déjà comme un premier ancêtre, si je puis dire, avec des guillemets bien sûr, du drame wagnérien. Il y avait une anecdote sur le compte de Rameau qui courait, selon laquelle ce qui comptait c'était tellement la musique pour Rameau qu'il pouvait bien mettre en musique la Gazette de Hollande, ça aurait été pareil. C'est bizarre pour Ducas, ce type de séparation pour le coup entre poésie et musique. Pour Ducas, on voit qu'il redécouvre Rameau vraiment à cette période-là, et on sent que à la fin du 19e siècle, c'est encore quelqu'un qui est assez, qui est présenté de manière un peu particulière. Son œuvre est assez peu créée. On l'entend par bribes, et il explique régulièrement, en tout cas avant le travail d'édition, par exemple, qu'il va commencer à la fin du siècle. Il explique qu'on entend bien, enfin, que le problème avec l'œuvre de Rameau, c'est qu'on peut mal la classer, parce qu'on la connaît finalement trop peu. Ah oui, ils sont encore sous l'effet de la redécouverte. Voilà. Il écrit « Rameau se dégage victorieusement des entraves que les conventions théâtrales de son temps imposaient aux compositeurs dramatiques. Sans doute Gluck, donc il met quand même bien Gluck en concurrence, secoura plus fortement encore le joug de la vieille tradition de l'opéra français. » Il préfère Gluck ? Je ne pense pas qu'il y ait une notion de préférence. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est que pour lui, Rameau influence Gluck. Et que si, effectivement, la réforme de Gluck est un réel fondement pour le drame de la fin du 19e, cette réforme de Gluck prend déjà des racines dans la musique de Rameau. Mais quand il parle de réforme, c'est sur quel enjeu ? Précisément sur des questions de déclamation, par exemple de... C'est des notions qu'il aborde relativement peu, finalement. Son point d'ancrage, du cas, est vraiment dans le lien poésie-musique. C'est vraiment le drame qui arrive à passer du texte jusqu'à la musique, être exprimé par la musique. L'idée toujours que la poésie est... au moins autant musical que poétique, voire plus finalement. Plus musical que la musique elle-même. Voilà. Enfin non, la musique est plus dramatique que le drame. Presque. Mais alors, son intérêt pour les compositeurs du XVIIIe siècle, donc, sont Gluck et Rameau. Vous avez tendance à dire que c'est le goût de l'époque, parce que c'est ce moment-là où on les redécouvre, mais c'est aussi pour lui l'occasion de retrouver une solidarité entre poésie et musique qui est un idéal pour lui. Ah oui, c'est vraiment un idéal. C'est une question qui l'obsède. C'est vraiment présent dans chacune de ses critiques sur une œuvre lyrique, et toujours l'occasion de rediscuter, de rethéoriser, puis on voit qu'il se questionne aussi, donc que ce soit sur des œuvres contemporaines ou les œuvres des maîtres anciens, comme il le présente, l'œuvre wagnérienne, ou sur des textes plus généraux. Cette relation profonde que doit entretenir musique et poésie est vraiment quelque chose qui l'interpelle et qui l'interroge. On voit aussi par là qu'il est constamment aussi, lui, en train de réfléchir à ça parce qu'il compose. Toujours des drames. Il compose, alors notamment ce Ariane et Barbe Bleue. En quoi cet ouvrage nous donne à entendre un lien plus privilégié entre poésie et musique ? Il y a plusieurs carrefours, je pense, dans Ariane, entre poésie et musique. Déjà, il y a plusieurs carrefours et en même temps plusieurs contradictions qui pourraient apparaître. Ducas va longtemps... théoriser ou se montrer favorable à l'idée d'un compositeur librettiste et ne termine qu'un seul projet d'opéra sur un livret qui ne lui appartient pas. Donc déjà ça pourrait apparaître comme une contradiction, hein, mais en lisant sa critique par exemple de Pélias et Mélisande, on comprend ce qu'il trouve dans le texte de Maeterlinck, cette notion que le texte est fondamental et en même temps, il ne dit rien, il sous-entend tout et ce sera à la musique d'exprimer, elle, tout le monde de sentiments qui est sous-entendu dans les mots. Donc la musique va devoir aller plus loin que ce qui est dit par le livret pour être encore mieux imprégné du livret. Exactement. Et si on prend dans le sens inverse, je dirais même que le livret doit être le plus flou possible, de manière à ce que la musique puisse porter presque à elle seule le drame sous-jacent, le vrai drame pour Dukas, le drame psychologique, le drame intérieur. Vous diriez qu'il va jusqu'à amplifier le flou exprès pour le rendre le verbe d'autant plus musical ? L'amplifier, je ne sais pas sûr qu'il l'amplifie, mais en tout cas, il recherche absolument le flou pour que lui, en tant que compositeur, puisse orienter l'expression vers ce que lui ressent. Il écrira, alors pas dans ses critiques, mais dans des écrits personnels, il écrit par exemple que le vrai drame, c'est avant tout ce que le texte, en fait, génère chez le compositeur comme expression que lui, ensuite, va retraduire en musique. C'est d'abord le compositeur qui est le premier interprète d'un drame. Et alors là, c'est un niveau plus existentiel ou psychologique que véritablement musical à ce moment-là. Il y a une notion il y a un rapport à la philosophie très important, je pense, chez Dukas, qui est vraiment un féru de philosophie et qui se questionne beaucoup sur ce rapport-là, puisque l'expressivité de la musique, la capacité dramatique de la musique, touche à des notions beaucoup plus intérieures de chaque auditeur et donc aussi du compositeur. Voici l'adieu, extrait de l'acte 3 de Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas. la soprano Deborah Polaski avec Bertrand de Billy à la tête de l'orchestre symphonique de la radio autrichienne dans cet extrait de l'acte 3 d'Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas. Paul Dukas dont on parle avec vous Pauline Ritten puisque vous avez publié chez Aida Musicae le premier volume de ses écrits sur la musique et ce premier volume rassemble des textes sur le théâtre lyrique, si bien qu'à travers ces textes où il évoque Rameau, où il évoque Wagner, où il évoque le théâtre lyrique, en fait on a comme un essai sur les liens entre poésie et musique, et quand on entend la voix de cette soprano un peu flotter au-dessus des nappes orchestrales, on peut entendre quand même quelque chose de très wagnérien. C'est une figure très importante pour Paul Dukas, Wagner. Ah oui, c'est vraiment une figure tutélaire qui perdurera tout au long de son existence. Wagner et ses théories, ses drames, et en particulier Tristan, sont vraiment très prégnants dans son rapport à la... au lien musique et poésie. Il écrit, c'est en effet Wagner, dès l'origine, qui fut bien mieux compris de nos poètes que de nos musiciens, et dans un sens bien plus large, bien plus conforme à sa véritable nature. Oui, il voit vraiment, qu'on soit vraiment Wagner comme un poète-musicien, comme un indissociable. D'où cette fascination pour le fait qu'il soit à la fois compositeur et librettiste. Oui, je pense complètement. C'est quoi un livret, alors ? Mais ça aussi quelque chose qui l'interpelle, et c'est pour ça que dans chacune de ses chroniques sur les œuvres contemporaines ou plus anciennes, il passe énormément de temps à expliquer le livret, expliquer en quoi il lui semble conforme ou conforme à une adaptation lyrique, en quoi selon lui le livret est un échec dans certaines œuvres. Pour lui, le livret doit accueillir doit accueillir la musique. Et l'intérêt du compositeur librettiste, c'est ce qu'il écrit à propos de Wagner, c'est que lorsqu'il écrit son texte, son livret, la musique flotte déjà dans la pensée du compositeur qu'il est en même temps, bien qu'il pense vraiment que la poésie soit la première à naître. Ce rapport entre poésie et musique pourrait bien être allégorisé par le drame lui-même, par ce qui se passe dans un opéra de Wagner. C'est une idée beaucoup développée par le musicologue Jean-Jacques Nathiez. Je vous propose de l'écouter au micro de Justin Bernard sur Radio Ville-Marie pour qu'on le commente ensuite. Et donc, pour ce qui est de l'art poétique de Wagner, il y a vraiment, je pense, trois opéras qui en parlent de manière explicite. Alors, c'est ça. Il y a ceux qui en parlent de façon explicite. Le vaisseau fantôme, le Tannhäuser et les maîtres chanteurs. Et puis les autres dans lesquels les personnages, je dis que ce sont des allégories, des éléments constitutifs de l'œuvre d'art de l'avenir telle que l'a concevée Wagner, montrer en particulier, ça je m'y attarde assez longtemps dans le bouquin, le fait que Siegfried soit au fond une métaphorisation de la poésie et Brunhilde celle de la musique, et que leur relation entre les deux est conçue comme une incarnation de cette idée fondamentale chez Wagner, qui est la relation androgyne entre la poésie et la musique. Pourquoi androgyne ? Parce qu'il était lui-même à la fois le poète et le musicien, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai qu'il parle justement d'avoir une sensibilité féminine. Vous associez la musique au principe féminin, mais il est aussi poète, qui est plus le principe masculin. Oui, il dit explicitement que le principe poétique féconde la musique. Oui. Et le résultat de cette fécondation, c'est effectivement l'œuvre d'art totale dans laquelle la poésie, enfin le drame de l'œuvre, est étroitement relié à la musique. Et ce qui est intéressant, c'est, j'essaie de démontrer, que ce principe poétique, c'est Siegfried qui l'incarne dans la tétralogie, et le principe féminin, c'est Brunhilde qui l'incarne de son côté. Et donc vous parlez aussi donc de forgeron poète dans le cas de Siegfried. Oui. Et vous faites beaucoup l'association entre Wagner, qui se voit lui-même dans ses personnages, dans Siegfried, dans Lohengrin, dans Tannhäuser. Ah, oui. Donc dans le fond... En fait, il est constamment en train de parler de lui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, ce sont des récits cachés, puisqu'ils sont, ouais. sont au-delà des histoires explicitement racontées dans chacun des 10 opéras. Voilà. Ouais. Et alors, donc on a parlé de Tannhäuser, de Lohengrin. Il y a Tristan et Isolde aussi, oui. avec Isolde qui est le principe musical. Oui, oui, Est-ce qu'il y a cette allégorie poésie-musique dans, ah oui, dans cet opéra? Oui, oui, surtout à la fin quand elle apparaît comme l'esprit de la musique. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'elle est l'inspiratrice de Tristan. Et c'est pour ça qu'il y a une longue analyse du solo de cor anglais de Tristan, qui est un sujet que j'avais développé sur 400 pages dans le bouquin qui s'appelle « Analyse et interprétation de la musique », qui ne traitait que des 70 mesures de ce solo, pour montrer comment ça rentre dans cette perspective constante de Wagner. Et pourquoi ? Parce que lorsque Tristan, au début du troisième acte, se réveille, il vient de dormir et il rêve de retrouver Isolde, et c'est ce solo de cor anglais qu'il a entendu en rêve qui lui donne la perspective de sa création. Pauline Ritten, qu'est-ce qu'en pense Paul Dukas? Il n'y a pas de... Dans les écrits de Paul Dukas, il n'y a pas d'idée d'allégorie du rôle du poète musicien dans les œuvres de Wagner. Pour lui, l'œuvre la plus représentative du poète musicien chez Wagner, c'est Tristan. Il l'écrit dans une critique de 1899. C'est la plus représentative de son art, la plus conforme à ses théories. Et en même temps, la plus expressive de sa personnalité de poète et de musicien. Mais pas de notion d'allégorie. Alors, il n'y a pas de notion d'allégorie. En revanche, il y a quand même cette idée de fusion de la poésie et de la musique. Presque chaque mot se prolonge en un verbe sonore, écrit Dukas à propos de Tristan, d'une portée infiniment plus large que celle ou atteint sa littéralité. C'est-à-dire que la musique a le pouvoir d'arracher le langage d'un usage trivial qui est celui de la vie quotidienne et de permettre au langage d'accéder à plus profond que lui-même, en quelque sorte. Complètement. Pour lui, la musique permet vraiment d'exprimer l'inexprimable. C'est cette idée toujours maîtresse. Et le texte, plus le texte est presque... Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais plus le texte peut être indigent, finalement, plus la musique a l'espace d'exprimer ce que le texte n'exprime pas. Et ce que nous, auditeurs, pourrons ressentir. C'est une pensée propre à Dukas, où vous avez le sentiment qu'il essaye de contenir quelque chose qui se trame à l'époque quand il explicite ses enjeux. Je pense que c'est assez partagé par un certain nombre de compositeurs, de musiciens ou d'artistes de l'époque. Mais il y met un tel soin pour l'exprimer. Voilà, c'est quand même c'est très recherché, c'est très théorisé, ça revient, c'est récurrent. Je ne suis pas sûre que d'autres écrits à l'époque soient aussi détaillés. Et on sent une volonté vraiment d'aller jusqu'au bout, de fouiller la question. Et cette obsession de la question, je suis pas sûre de la connaître ailleurs que chez Dukas. Et puis, il a une sorte de fascination pour l'ampleur de l'entreprise de Wagner qui s'entend jusque dans sa musique. Il écrit par exemple « L'expression générale de la musique de Wagner est indépendante de l'expression particulière de chaque motif. Elle ne l'utilise que comme élément organique et l'emporte dans un courant supérieur. » Oui. Oui, il y a aussi cette idée qui lui est très chère d'essayer vraiment de montrer et de théoriser pour ses contemporains ce que c'est qu'un drame wagnérien. Il va beaucoup se plaindre aussi des tentatives d'imitation via le leitmotiv qui est dénaturé chez beaucoup de compositeurs français, alors que chez Wagner, voilà, comme il le dit, c'est exactement ça, c'est un moyen organique, mais qui est fait pour intégrer un ensemble, et cet ensemble, rien n'en est dissociable. Tout est fusionné et surtout, il est intégral. Écoutons Wagner, faute d'avoir le temps d'écouter l'un de ses opéras. Voici l'un de ses Wesen donc, Lieder. La musique classique et au-delà. C'est Métaclassique, avec David Christoffel. Spiegelbad und die Félicité Lotte avec le Schumann Quartet dans Schmerzen, extrait des Wesendonck Lieder de Richard Wagner. Pauline Ritten, ces écrits sur la musique de Paul Dukas, ils paraissent dans des revues musicales pour un public relativement spécialisé. Il a un verbe plutôt fouillé, même si il a un goût pédagogique pour éclaircir des enjeux qui finalement sont rarement explorés sur la musique dont il parle. Vous-même, en fréquentant beaucoup ces écrit, vous avez mis du temps à pénétrer le fond de sa pensée. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre surtout la personnalité du critique, dans le sens où effectivement il est très érudit et tout est pourtant très clair, et ce qui n'apparaissait pas au départ quand je lisais, c'était la personnalité, voilà, de Dukas. Et vous la qualifiez comment, sa personnalité ? Eh bien, elle est plus subtile que ce qu'on pourrait croire au premier abord, j'ai envie de dire. Voilà, l'érudition est évidente, l'intérêt de ses critiques toujours, mais il y a aussi de l'ironie, il peut y avoir un peu d'humour, il faut avoir lu plusieurs chroniques, avoir lu les chroniques qu'on ne lit pas forcément, celles sur les musiques qu'il apprécie le moins. C'est aussi l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'on ne connaissait pas forcément avant les critiques sur les œuvres de Massenet, avec lequel il peut être extrêmement dur, et puis même ironique et presque assez drôle finalement, aux dépens de Massenet, mais... voilà, il y a une personnalité assez multiple, et si l'érudition est évidente, ça ne se limite pas, on pourrait passer de l'érudition à une forme de rigidité, et je trouve que Dukas n'est pas le personnage aussi rigide que l'on dépeint parfois. Mais c'est une activité qu'il a de façon assez persistante. En l'occurrence, les textes que vous publiez, ils vont du début des années 1890 jusqu'aux années 1920. Oui, alors il a une grosse activité critique de 1892 à 1905. Il va arrêter jusqu'en 1923. Il aura deux années de critique en 23-24. Après, il va participer à quelques revues, mais de manière absolument épisodique, pour des portraits hommages qui paraîtront dans le deuxième volume ou répondre à des enquêtes. Mais la plus grande partie de sa critique est de 92 à 1905. Et ce qui est intéressant à comparer avec quand il revient sur la scène de la critique musicale en 23-24, on n'est plus dans le même paysage, et lui n'est plus dans une génération active. Il est déjà de l'ancienne génération, si je puis dire, à cette époque-là. Donc le regard a un peu changé, mais pas tant que ça. En 23-24, on a toujours la posture d'un fervent admirateur de Wagner. Voici une question d'Omer Corley. Pauline Ritten, alors j'étais intéressé évidemment de la manière dont vous avez élargit le corpus des textes afférents à l'œuvre, du moins à la critique de Paul Dukas, puisqu'on connaissait un certain nombre de textes et vous avez réouvert cet espace. Alors évidemment, j'ai été vers votre thèse où là, précisément, vous faites une analyse d'un grand nombre de compositeurs à travers un nombre d'articles considérables et une partie assez plus d'une cinquantaine, j'ai cru constater, avait été, c'était concerné l'opéra lui-même. Et l'idée qui m'était venue, du moins c'est la proposition qu'on m'a faite, sur la notion, le concept de déséparer. Et je me suis demandé où il se trouvait. Évidemment, j'interrogeais ce concept, qu'est-ce qu'il peut signifier comme territoire. Évidemment, le moment où il apparaît, en fait, et de manière pas très claire chez les compositeurs ou chez Paul Dukas, et bon, pour presque même dire, chez Debussy. C'est la notion du poète musicien que tout le monde reconnaît dans Wagner à partir de Parsifal. Avant Parsifal, c'est très conflictuel, il y a presque un rejet, il y a un conflit, c'est une zone de conflit. Et à partir du moment où cela est résolu avec Parsifal, et entre autres, le compositeur où c'est le plus explicitement dit, c'est dans la réception de Boris Godounov de Moussorgsky. Vous dites, ou du moins, pas vous, mais Paul Dukas dit... La musique de Moussorgsky est si étroitement liée aux facultés poétiques et dramatiques qu'il est presque impossible de les dissocier, donc de les déséparer, et d'apprécier sa musique en faisant abstraction de ses relations avec la parole ou la situation. Là, vous posez, il pose le concept de fusion entre le poète et le compositeur. Et ce qui m'a surpris le plus étonnant, à quelques distances près, c'est quasiment la même année, c'est avec Claude Debussy, où avec Claude Debussy, il est confronté au même problème, mais étonnamment, Paul Dukas va le définir plutôt dans une manière négative, je dirais négative dans sa formulation. On peut presque dire qu'il y a, comme on pourrait parfois parler d'un meuble, positif et le négatif. Il prend la stratégie du négatif pour expliciter son point de vue. Debussy n'empruntait pas au poète un canevas. Il ne se proposait pas non plus de superposer à ce texte une partition de vie indépendante. Pas davantage de faire de la musique aux endroits où la poésie semble particulièrement le requérir, en laissant les autres dans l'ombre d'un récitatif plus ou moins sec. Là, on a l'explicitation aussi, mais ce n'est pas une explication, une affirmation franche, alors qu'effectivement, dans son opéra, ça sera une affirmation franche avec Maeterlinck. Ce rapport entre poésie et musique, effectivement, on a l'impression quand on lit Dukas qu'il reste flou et qu'il y a presque une espèce de magie qui doit se passer ou qui ne se passe pas. S'il ressent cette magie de fusionnelle entre les deux, c'est que ça fonctionne. Et s'il ne la ressent pas, il va nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc c'est un peu difficile parfois de comprendre où il va. Et puis effectivement, il peut se contredire selon les œuvres. Mais je pense qu'il est lui-même surpris parfois que ça puisse fonctionner alors que ça va à l'encontre des théories qu'il pouvait avoir élaborées. Notamment si on compare ses idées sur l'opéra wagnérien puis Pélas et Mélisande. Et le fait qu'il fasse un opéra avec le texte de Maeterlinck. Mais il y a une autre notion aussi chez Dukas, bon, qui appartient peut-être aussi un peu à l'idée de magie finalement, c'est que chaque compositeur doit travailler et surtout créer une œuvre qui lui est personnelle. Et cette notion-là, elle est de plus en plus présente, je trouve, au fil de ses critiques sur l'opéra, où, un peu comme s'il comprenait qu'il n'y avait pas une solution valable pour tout le monde, mais que chacun pouvait trouver sa propre solution. Et il insiste régulièrement sur cette notion d'authenticité. Si un compositeur est sincère, honnête, et qu'il fait une musique qui est la sienne, il le dit pratiquement en ces termes, eh bien on peut à ce moment-là avoir non seulement, alors parfois plutôt la fusion musique-poésie qui fonctionne, et puis surtout une œuvre théâtrale, une œuvre lyrique qui fonctionne. Il va par exemple en 1901 dans sa critique de Louise de Charpentier, qui est presque aux antipodes de ses théories, puisque c'est une musique très théâtrale et qu'il critique beaucoup l'art lyrique trop théâtral. Et pourtant, Louise, il dira que c'est une réussite. Alors, clairement, on comprend que jamais lui n'aurait pu écrire une musique comme celle-ci, mais c'est bien une musique de Charpentier et c'est une réussite plus théâtrale que drame lyrique, mais c'est une réussite. Alors, comme il est critique de formes trop théâtrales qui précisément séparent beaucoup poésie et musique, il est quasiment systématiquement méfiant de ce qui peut se passer à l'opéra comique, puisque c'est un espace où le parler et la musique sont très distendus et même officiellement séparés. Et alors, à la fin d'un texte de 1898, qui s'appelle « Quelques mots sur l'opéra comique », la dernière phrase est la suivante. « Pour aujourd'hui, ne voulant dresser aucune liste, je me borne à signaler à M. Carré, donc le directeur de l'opéra comique, le Péléas et Mélisande de M. Claude Debussy. » Péléas et Mélisande, qui en 1898 n'a pas été encore créé, qui sera créé en 1902, justement à l'opéra comique. Est-ce à dire que c'est Ducas qui est le responsable ? Ducas entretient des liens avec, avec Albert Carré. Je pense qu'il a aussi conscience qu'il est déjà en 98 un critique qui est beaucoup lu. Il connaît l'œuvre de Debussy depuis 96, a priori, selon la correspondance entre les deux compositeurs. Je ne crois pas qu'il soit le seul à en parler avant 1902. C'est peut-être le premier en 98 à le dire, mais il me semble qu'il y a un confrère qui parlera de Péléas et Mélisande aussi. Mais je pense que l'impact de Ducas, oui, il a certainement eu un impact sur la création. Il appelle à la reconstitution de chefs-d'œuvre de partition française du XVIIIe siècle, de faire de l'opéra comique aussi un lieu patrimonial. C'est aussi un débat dans lequel il prend une position qui est nouvelle. Oui, effectivement, on est à une époque où la redécouverte de la musique ancienne, alors au sens très très large, hein, puisque on peut commencer avec Adam de la Halle et Palestrina et Bach, tout est musique ancienne, avec l'étiquette ancienne, mais effectivement, il milite régulièrement pour le retour dans les salles de concert et sur les scènes lyriques d'œuvres anciennes, notamment de Rameau. Et puis en 1897, il compose donc un poème symphonique, L'apprenti sorcier, inspiré d'une ballade de Goethe. Alors là, il a mangé le texte, on peut dire ? C'est un chef-d'œuvre. Ce qui est drôle, c'est que quand elle est créée, cette pièce, les critiques de l'époque parlent de la création d'une œuvre de leur confrère. Donc il est en 97, c'est pas sa première œuvre, mais il est connu comme critique et non pas comme compositeur. Mais oui, il a mangé le texte. Elle est magnifique. Mais pourquoi il fait un poème symphonique ? Parce qu'il aurait pu essayer de se dépatouiller pour que le texte soit présent, non ? Avec tout ce qu'il est en train d'écrire en 97. Il s'est déjà essayé au drame lyrique. Il avait déjà essayé de composer à partir d'un roman de chevalerie, qu'il abandonne en 97 d'ailleurs pour essayer cette fois un opéra à partir d'un texte d'un poème hindou qu'il laissera tomber pour Ariane en 99. Sa position sur le poème symphonique, je pense, est assez ambiguë. Il y a des textes où il écrit que finalement le poème symphonique, ça surpasse le drame, puisque on mange le texte, comme vous le dites, c'est exactement ça. On peut se passer de la poésie, elle est bien là, mais c'est la musique qui exprime tout. Et en même temps, il y a quelques années, j'ai découvert une lettre qu'il écrit à Vincent d'Indy, dans laquelle il précise que c'est bien l'apprenti sorcier, mais c'est bien le succès qu'elle a eu, mais c'est dommage, personne n'a vu ce qui lui semblait pourtant évident d'y être, c'est-à-dire une ironie et du genre, en fait. Pour lui, il avait écrit une parodie du genre poème symphonique. Voilà. Mais ça veut dire qu'il est quand même empêtré en tant que compositeur dans les histoires de comment s'articule le drame à la musique, là où dans ses critiques, il semble résolu dans une superbe assez supérieure parce qu'il parle des autres. Oui, c'est aussi pour ça que moi j'ai toujours eu cette petite sensation de magie finalement, parce qu'on a l'impression que sous ces mots, c'est évident. quand on cherche à comprendre concrètement ce que ces mots pourraient donner en musique, on a du mal à voir. Et puis on se rend compte que lui, dans ses créations, ça fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il a en tout plus d'une vingtaine de projets lyriques qui n'aboutiront jamais. Il n'y en a qu'un seul sur, je crois qu'on est 25, 26 projets en tout. Vous dites qu'il a de la hauteur philosophique, une grande érudition. Est-ce qu'on peut deviner quels sont ses auteurs de chevet ? Je pense qu'on peut... C'est compliqué, parce que Duquet est quand même très tourné sur l'objet musique est vraiment au centre de ses préoccupations. Donc il ne parle pas tant que ça de poésie, finalement. Non, la poésie quand même reste plutôt, je dirais, si on prend de la distance sur la globalité de sa critique, la poésie reste au service, c'est peut-être trop limité sa pensée, mais il y a un peu cette idée-là de servir la musique, je pense quand même davantage. Le lyrisme, il regroupe tout autour du lyrisme, sinon, quand il... Mais pour lui, au final, Wagner est plus musicien que poète. Par c'est exemple, ça, c'est ça. S'il commence il par l'admire dire que... en tant que poète musicien, oui. Mais quand même en tant que musicien. Bah, c'est surtout que il finit par dire que, au final, c'est quand même le musicien qui l'emporte sur le poète, et là, parce que la musique a ce pouvoir de tout emporter et que elle surpasse malgré elle finalement la poésie. Eh bien, merci beaucoup, Pauline Ritten. Merci à vous. Thank you. Thank you.